une mise à jour de son fichier client, la régie des eaux a entrepris en collaboration avec Listeboo un recensement de tous les points de livraison eau et électricité. Régie des eaux demande à tout abonné de faciliter aux agents de Listeboo l'accès aux équipements de comptage eau et électricité et de leur fournir toutes les informations utiles. Mireille Kanyang. Nous sommes jeudi 12 mars. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grandes articulations. Une trentaine de personnes en provenance de certains pays où il y a le coronavirus ont été déjà mises en quarantaine à l'hôtel Source du Nil jusqu'au matin de ce jeudi. Le ministère de la Santé étend la mesure aux passagers en provenance de l'Union européenne. On fera le point début de cette édition. Sur les 6 candidats retenus par la Commission électorale nationale indépendante CENI à la course au fauteuil présidentiel, la radio Isanganiro va vous parler de ces candidats à l'honneur. Aujourd'hui, le curriculum vitae de Gaston Sindimo, candidat du parti UPRONA. En province Karoussi, l'on vous parlera des prix exorbitants des produits de première nécessité, ce que l'on confirme à l'Institut des statistiques d'études économiques du Burundi, Istebu. Dans cette province, la mise en onde est assurée par Eric Ouimana à la réalisation. Francine Ndehokoubgaye pour le compte de la rédaction Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page santé pour débuter cette édition. 34 personnes en provenance des pays tels que la Chine, la Corée du Sud, l'Italie, l'Allemagne et la France sont déjà mises en quarantaine à l'hôtel Source du Nil jusqu'au matin de ce jeudi 12 mars. Dans un communiqué sorti par le ministère de la Santé ce jeudi, cette mesure concerne aussi tous les passagers en provenance de tous les pays de l'Union européenne et toutes les personnes ayant séjourné dans ces pays durant les 14 jours précédant leur entrée au Burundi. Les détails avec Yvette Nijimbiri. Depuis la prise de décision de mise en quarantaine des passagers en provenance de la Chine, de la Corée du Sud et de l'Iran, de l'Italie, de l'Allemagne, de la France, du Japon et de l'Espagne, 34 personnes sont en quarantaine. Comme le précise un communiqué sorti par le ministère de la Santé, la dite mesure est étendue à tous les passagers en provenance de tous les pays de l'Union européenne et à ceux ayant séjourné dans ce pays durant les 14 jours précédant leur entrée au Burundi. Le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida continue de recommander la généralisation de la mise en place des kits de lavage de mains dans les formations sanitaires et autres lieux publics qui constituent un des moyens les plus efficaces de prévention de ce virus. Depuis l'apparition du coronavirus en décembre dernier, le nombre de cas de ce virus a atteint plus de 110 000, dont 4 000 décès dans 105 pays et territoires du monde. Des cas de COVID-19 ont été confirmés dans 12 pays d'Afrique, avec 108 cas, dont 2 décès. Yvette Nijimbere, vous saurez que pour le Burundi, les cas suspects seront acheminés à Mudubugu, c'est en province Bubanza, a affirmé le ministère burundais de la Santé publique. Parlons hygiène à présent. Le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida demande à chaque secteur d'apporter sa contribution dans le renforcement de l'hygiène au sein des communautés dans certaines zones urbaines de la capitale économique Bujumbura. C'est ce que dit Prosper Mouyou, chef du service hygiène et assainissement au sein de ce ministère après des grognes des habitants du quartier 4 en Gagara suite aux eaux usées en provenance des latrines du quartier Ngagara se déversant dans les rues de ce quartier. La sensibilisation de la population, dit-il, continue dans le but du renforcement de l'hygiène. Suivez-le au micro de Jean-Marie Mayong. On a déjà constaté que les eaux usées vannes, ou c'est appelé eaux usées noires, sont devenues ces savoirs publics. Alors cela montre qu'il y a un déficit d'assainissement liquide dans ce quartier, qui est un des premiers quartiers de ce pays qui s'est installé. Donc quelque part on a constaté qu'également, même au niveau des entreprises scolaires, qu'il y a un sérieux problème, que ça peut facilement contaminer les élèves et les enseignants. Et nous devons comprendre que si les enfants grandissent dans l'insalubrité, demain après demain ils ne vont rien changer parce qu'ils seraient accoutumés aux odeurs nauséabondes, à la vue Tern, etc. Donc, le grand risque qu'il y a là-bas, c'est qu'il y a moyen de développer les infections intestinales aiguës et les parasitoses intestinales. Il y a également le fait que ça fait perdre la dignité, la considération sociale. Donc, ça ne reflète plus la ville, c'est plutôt, c'est un dépotoir. C'est vraiment dégueulasse. Donc, les gens devraient comprendre qu'on doit sauver la santé d'abord des populations, on doit sauver la qualité de l'environnement, on doit sauver la dignité elle-même. Donc, ce qui fait que chaque partie prenante pour ce secteur-là doit apporter sa contribution. Sinon, au ministère de la Santé publique, nous avons la mission de sensibiliser, nous avons la mission de donner des orientations en matière de protection de la santé, mais également, il y a d'autres partenaires qui ont d'autres missions, notamment la réhabilitation des infrastructures, l'entretien, maintenance, etc., qui doivent faire leur travail en vue de mieux gérer ces déchets liquides. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h01 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. Les produits de première nécessité en province Karoussi s'achètent actuellement à des prix exorbitants sur différents marchés au moment où des habitants pensent qu'il s'agirait de la simple spéculation de certains commerçants. À la direction provinciale chargée de l'agriculture, l'on informe que les récoltes n'ont pas été bonnes pour la précédente saison culturelle A suite aux pluies diluviennes qui ont endommagé les champs de culture comme le riz et le haricot. Et à l'Institut des statistiques et d'études économiques du Burundi, Stebou, à Karoussi, l'on confirme le manque de certaines denrées au marché. Le point avec Blaise Pascal Kalaroumié depuis Karoussi. Les denrées alimentaires de première nécessité actuellement vendues à des prix exorbitants, comme l'indiquent les habitants de la province Karoussi, sont entre autres le riz, la pomme de terre, la patate douce, les haricots, le sucre et autres. Les pommes de terre s'achètent actuellement entre 1000 francs et 1200 francs le kilo, alors qu'il s'achetait entre 500 francs et 600 francs il n'y a pas deux mois. Le riz cultivé dans les marais de Karoussi est actuellement vendu entre 1800 francs et 2000 francs par kilo, après qu'il s'achetait à 1300 francs il n'y a pas un mois. Les habitants disent que c'est la première fois que ce prix de riz y arrive. Un petit panier d'une dizaine de kilogrammes de patates douces s'achète 3000 francs, au moment où d'habitude ce panier se trouvait à 1500 francs. Le mois passé. La banane est aussi devenue denrée des aisés, indiquent ses habitants, où un régime qui était à 3000 francs s'achète actuellement entre 6000 et 7000 francs et se raréfiant de plus en plus dans les marchés, comme la pomme de terre aussi. Certains habitants pensant à une spéculation de certains commerçants, les agents de l'Istebou de Karoussi confirment que la plupart des denrées alimentaires ont beaucoup monté du prix sur les différents marchés de Karoussi. Ils signalent que certaines d'entre elles sont devenues rares sur les marchés et que même celles qui sont disponibles sont en quantité insuffisante. À la direction provinciale de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement, on explique que c'est dû aux récoltes de la saison culturelle précédente, saison A, qui n'a pas été meilleure comme on le souhaitait. La raison avancée étant les pluies diluviennes qui ont endommagé les champs de culture, citant entre autres les champs de riz, pommes de terre et bananes et patates douces. Responsable technique demande à la population de Karoussi de s'occuper actuellement à la culture, de s'occuper actuellement à des cultures de soudure pour faire face à cette situation. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kalaroumié pour la radio Isanganiro. Je vous l'avais annoncé en titre, la Commission électorale nationale indépendante CENI a récemment validé six noms des candidats à la course au fauteuil présidentiel du 20 mai. Prochain, la rédaction de la radio Isanganiro revient sur les profils de ces candidats présidentiels. Aujourd'hui, l'on vous fait part de l'identité de Gaston Sindimo, aujourd'hui premier vice-président de la République et candidat du parti UPRONA au présidentiel. Eline Bel Nibigira nous en fait le point. Gaston Sindimo, aujourd'hui premier vice-président de la République et candidat du parti UPRONA aux prochaines élections présidentielles, est natif de la mairie de Bujumbura. Il est né en zone urbaine de Nyakabiga, de la commune Mukaza, le 28 novembre 1965. Il est le fils de Pascal Sindimo et Leocadie Ninahaza. Il a fait ses études primaires à l'école primaire Saint-Michel, qu'il a terminée en 1981. Il poursuit ses études secondaires au collège d'Okivoga jusqu'en 1981. Puis à l'école technique secondaire d'art de Gitega où il y reçut en 1989 le diplôme de niveau A2. En 2011, il a décroché le certificat attestant sa formation en conception et évaluation d'une politique publique sur l'école nationale d'administration à Paris en France. Un peu avant, Il a reçu le certificat de perfectionnement à l'ISCO de l'Université du Burundi en 1998. En 2015, il a décroché le diplôme de baccalauréat en diplomatie et relations internationales à St. Lawrence University à Kampala en Ouganda. C'est dans le même domaine qu'il a eu le master à Paris en 2019. Parmi les fonctions assurées au sein de son parti UPRONA figure le secrétaire exécutif permanent de 2009 à 2010, puis secrétaire général du parti. Avant d'être nommé premier vice-président de la République en 2015, il était chef de cabinet adjoint du premier vice-président de la République. Outre premier vice-président de la République, Gaston Sindimo est fidèle amateur du ballon rond. Il est aujourd'hui président de l'équipe de football Interstar. Elinibel Nibigira, page politique encore. Pour être candidat à l'élection législative et communale, le code électoral indique qu'entre autres conditions, celui-ci doit être de nationalité burundaise d'origine et avoir 25 ans lors de l'élection. Charles Makoto revient sur les conditions d'éligibilité aux communales et aux législatives. Pour être candidat aux élections législatives et communales, il faut avoir la qualité d'électeur et jouir de tous ses droits civils et politiques. Celui-ci doit résider au Burundi lors de la présentation des candidatures et être natif, épouse d'inatif ou d'y ressortissant, établi ou ressortissant de la province concernée. En outre, le candidat aux législatives et aux communales doit souscrire à la charte de l'unité nationale et exprimer son adhésion aux principes fondamentaux dont le respect, la sauvegarde et la consolidation de l'unité nationale, la protection et la promotion des droits fondamentaux de la personne humaine, la promotion de l'état de droit fondé sur le respect et la défense de la démocratie, ainsi que la défense de l'intégrité du territoire et de la souveraineté nationale. Si le candidat était condamné pour délit à une servitude pénale égale ou supérieure à 6 mois, il doit avoir antérieurement purgé cette peine depuis au moins 2 ans. De même, s'il a été condamné pour un crime ou une servitude pénale égale ou supérieure à 5 ans, celui-ci doit avoir entièrement purgé sa peine depuis au moins 5 ans. L'article 183 montre que pour être candidat au conseil communal, il faut être natif, ressortissant, épouse ou natif dit ressortissant, légalement domicilié dans la commune établie où il résidait en permanence depuis au moins 5 ans. Toutefois, les non-résidents ne doivent pas dépasser 50% des membres du conseil communal. Parlons femmes. Des grossesses non désirées sont enregistrées à la colline Bihanga, en commune Matana de la province Bururi, un phénomène qui serait dû à la dépravation des mœurs selon certains parents. Ils affirment cependant qu'ils prodiguent des conseils aux jeunes filles. Selon Alice Nkunzimana, coordinatrice de l'association pour la promotion de la fille burundaise APFB, le rôle de la femme est incontournable dans la lutte contre ces grossesses non désirées dans la communauté Vestine Utoi. Selon des parents dont sa fille a eu une grossesse non désirée sur la colline Bihanga, en commune Matana de la province de Bururi, cet homme indique que même si sa fille s'est méconduite, sa mère lui avait donné des conseils depuis longtemps. Cet homme dit que la mère de cette fille lui avait donné des conseils depuis longtemps, mais sans effet. Elle lui disait de ne plus être turbulente, d'être tranquille, car tout le mouvement qu'elle fasse seront la cause de son regret. Une femme de cette colline Bihanga témoigne que les conseils prodigués à l'endroit de ses filles ont eu un impact positif. Néanmoins, elle déplore qu'il soit difficile de conseiller une fille qui n'est pas la sienne suite à la dépravation des mœurs. Le problème majeur que nous avons est qu'il est difficile de conseiller l'enfant qui n'est pas la tienne. Elle ne considère pas tes conseils et croit que tu es en train de te moquer d'elle. C'est pour cette raison que nous avons beaucoup de filles enceintes, car jadis, l'enfant était éduqué par la société. Mais aujourd'hui, l'enfant est devenu indépendant. Quant à Alban Niyonsaba, conseiller de l'administrateur communal et Matana chargé de l'administration et des affaires sociales, au moins 1 sur 3 ménages héberge une fille enceinte. Alice Nkunzimana, coordinatrice de l'association pour la promotion de la fille burundaise APFB en sigle, fait savoir que la dévalorisation de la culture burundaise fait que certaines filles soient insensibles aux conseils donnés par les parents ou l'entourage. La tradition burundaise, elle est en train de se dégrader. Dans longtemps, l'enfant n'était pas éduqué par sa propre mère. Elle était éduquée par la communauté. communauté. Alice Ngonzimana signale que le rôle de la femme dans la lutte contre les grossesses non désirées à l'endroit des filles est indispensable du fait que c'est elle qui est proche de ses filles et demande à toutes les femmes de s'impliquer davantage dans la prévention de ces grossesses. Vestine Boutoyi à 13h10 dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition, mais je vous en rappelle les grands titres. Une trentaine de personnes en provenance de certains pays où il y a le coronavirus ont été déjà mises en quarantaine à l'hôtel Source du Nil jusqu'au matin de ce jeudi. Le ministère de la Santé étend la mesure aux passagers en provenance de l'Union européenne. C'est dans une déclaration sortie par ce ministère ce jeudi 12 mars. Et sur les six candidats retenus par la Commission électorale nationale indépendante à la course au fauteuil présidentiel, la radio Isanganiro va vous parler de ses candidats. Aujourd'hui, à l'honneur était le CV de Gaston Sindimo, candidat du parti Uprona. Et en province Karoussi, l'on vous a parlé des prix exorbitants des produits de première nécessité, ce que confirme l'Institut des statistiques et d'études économiques du Burundi, Stébou, dans cette province. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Eric Wimana qui a assuré la mise en onde, à toute l'équipe de la rédaction Isanganiro qui m'a aidé à la réalisation jeudi. Merci, un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.